Donc bonjour à tous. Donc comme Élise l'a dit, je suis en deuxième année de thèse et donc ma thèse s'intitule « Entre invention et appropriation du réel, la fonction utopique dans les trajectoires de Paul Jaglio, Jean-Louis Chagnac et Pascal Auzermann ». Donc j'en suis à une étape où l'exploration des fonds d'archives et la reconstitution des parcours biographiques des trois architectes auxquels je m'intéresse m'ont amené aujourd'hui à reconsidérer certaines hypothèses de départ. Et puis donc je vous propose aujourd'hui, après une première présentation de la période sur laquelle porte cette recherche, et puis une présentation des démarches des architectes étudiés, j'aimerais bien vous soumettre la problématique et les questions de recherche remaniées qui en découlent, et puis esquisser une première tentative de schématisation de ces hypothèses. Donc en 1959, l'architecte américain Philip Johnson constate la débâcle du style international. En 1977, Charles James voit dans la faillite de l'ensemble de Pruitt-Igoe la mort de la modernité, qu'il date donc du 15 juillet 1972 à 15h32. Nous situons notre période d'intérêt autour de ces deux morts de l'architecture moderne. Nous comprenons cette période d'entre-deux comme une phase de décomposition, recomposition de la discipline et de la profession architecturale, qui se trouve alors dans une situation de brèche. Cette notion, est développée par Hannah Arendt en 1961 dans son ouvrage « La crise de la culture », paru en France en 1968. La brèche est pour la philosophe un moment récurrent de l'histoire dans lequel l'être humain perd le sens de son passé et de son avenir. Elle ouvre son propos par un aphorisme de René Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Elle explicite plus loin, « La pensée n'étant plus liée à l'événement comme le cercle demeure lié à son centre, elle est astreinte soit à perdre complètement sa signification, soit à réchauffer de vieilles vérités qui ont perdu toute pertinence concrète. » Le constat qu'elle dresse pour sa propre discipline semble s'étendre à une société tout entière, bouleversée par le séisme de la Seconde Guerre mondiale. Pour la nouvelle génération d'architectes, l'héritage que constitue la pensée moderne a perdu son sens dans la simplification doctrinale que représente notamment la Charte d'Athènes pour Daniel Pinson. Loin de considérer cette situation d'incertitude comme une fatalité, Arendt affirme que dans l'histoire, ces intervalles ont montré plus d'une fois qu'ils peuvent receler le moment de vérité. Dans un contexte de croissance qui semble alors illimité, dans un monde qui se bipolarise, se lance dans la conquête spatiale, alors que les visières de la connaissance sont sans cesse repoussées par les progrès scientifiques et techniques, cet intervalle va en effet être le lieu d'une remise en question profonde et durable du rôle de l'architecte et du statut du projet d'architecture. Ce moment se caractérise par un bouillonnement intellectuel, un foisonnement d'initiatives et un débat exacerbé. Celui-ci se manifeste par de nombreux colloques, les parutions d'ouvrages majeurs et la création de nombreux groupes de recherche pluridisciplinaires dans lesquels les architectes confrontent leurs pratiques, leurs modèles et leurs cultures à d'autres approches issues des sciences humaines. Ils sortent de l'agence pour inventer d'autres espaces de réflexion collective. Si une petite partie de ces architectes s'emploie encore à circonscrire l'architecture et à la penser comme une discipline autonome, l'autre partie ouvre les possibles en auscultant les marges et les croisements entre les disciplines. La ville et l'habitat, que les pères fondateurs de la modernité n'ont pas réussi à décomposer dans une charte, sont au cœur des réflexions. L'après-modernité s'invente ainsi dans une pluralité de démarches qui croise les différents outils à la fois de connaissance et de représentation du réel et explore d'autres voies. Cette nouvelle génération propose une architecture de recherche aux prises avec la réalité qui ne veut plus seulement répondre aux besoins de la société dans laquelle elle se pense, mais en anticiper les évolutions. Pour Hannah Arendt, toujours, la situation de brèche est due à l'incohérence entre notre préparation à une situation et sa réalité. Elle résulte d'un décalage, un hiatus entre la projection et la situation. Ce n'est probablement pas un hasard si c'est précisément dans ce moment charnière qu'apparaît la notion de prospective. En 1957, Gaston Berger pose les bases de cette discipline qui se propose de concevoir et de représenter les mutations et les formes possibles d'organisation socio-économique de la société dans un avenir éloigné, afin de définir des choix et des objectifs à long terme. La prospective est donc une science de gouvernement qui vise à anticiper la situation de brèche. Son essor est permis par l'évolution des méthodes de calcul de probabilité et par l'émergence des outils statistiques, qui sont à l'origine des premières prévisions démographiques qui annoncent déjà l'explosion de la population urbaine. Ce pronostic va agir comme un stimulus sur les architectes qui se mettent à imaginer la ville de demain. Certains d'entre eux vont alors revendiquer une attitude et une architecture prospective. Tel est le projet du Groupe international d'architecture prospective, ou GIAP, fondé en 1965 par et autour de Michel Ragon. Ce critique regroupe des architectes, des scientifiques, des artistes, des sociologues, des biologistes, en bref des chercheurs, dont les travaux portent sur la ville et l'habitat de demain. les architectes du GIAP s'inspirent des outils de la jeune prospective. Ils formulent des scénarios pour penser l'évolution non linéaire de la société et fixent leur horizon à l'an 2000. Walter Yonas, Lionel Shine, Yona Friedman, Paul Mémon, Georges Patrix et Nicolas Schoeffer sont les premiers signataires du manifeste du GIAP, présenté au Musée des Arts Décoratifs le 21 juin 1965. Celui-ci se résume en trois points. D'abord, regrouper des chercheurs de tous les pays et de tous les horizons, dans la lignée d'une synthèse des arts. Ensuite, produire et promouvoir des solutions architecturales et urbaines qui répondent aux bouleversements sociaux et sociétaux annoncés, dans une attitude prospective. Et enfin, réaliser, car pour Michel Ragon, la recherche pour la recherche aboutirait fatalement à la sclérose. En arrière-plan du groupe gravitent Paul-Jacques Griot, Jean-Louis Chaméac et Pascal Ozerman, dont les œuvres constituent notre corpus d'intérêt. Griot figure sur la liste de Michel Ragon qui recense les personnes à contacter en premier, alors que le GIAP est encore à l'état de projet, et Ozerman et Chaméac en seront membres très rapidement. Leurs travaux respectifs sont publiés à plusieurs reprises par Ragon, qui les rassemble notamment au sein d'un corpus plus large, dans la première édition de l'ouvrage « Histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme moderne », tome 3, « Prospective et futurologie ». Ces trois architectes adoptent une même posture de recherche, qui repose néanmoins sur des pratiques et sur des outils différents. La démarche de Paul-Jacques Griot est sous-tendue par la pédagogie. Son enseignement aux États-Unis, et notamment à la Rice University, est un espace de recherche avec les étudiants, rythmé par les summer schools, dont les sujets traitent des problématiques en germe dans la société. Les villes nouvelles, mais aussi l'architecture solaire, ou l'installation de communautés autosuffisantes sont au programme. Griot interroge l'influence du milieu naturel sur la conception architecturale et urbaine, et tire de ses réflexions l'ouvrage « What is design ?». Mentionné dans le Waller's Catalogue, ce livre sera publié à nouveau sous le titre « Form, Function and Design » et deviendra un symbole de la contre-culture architecturale américaine. Chaméac vient à l'architecture par une voie quelque peu détournée et se considère d'abord comme un artiste. Sa démarche se caractérise par une recherche impatiente, selon ses propres termes, dans laquelle il formule de nombreux concepts. D'abord autour de la cellule qu'il déclinera en cellules polyvalentes, cellules amphores, cellules ventouses, puis des villes qui deviendront des villes alligators, des villes flottantes, des villes cratères. Il étudie cette dernière de 1963 à 1969. Elle ressurgit ponctuellement dans des carnets de recherche plus tardifs. Toutes ses propositions reposent sur une idée-image qui l'épuise à travers d'innombrables dessins, esquisses et peintures. Écrit en 83, l'ouvrage qu'il laisse inachevé et qui paraîtra sous le titre d'Architecture interdite laisse entrevoir une attitude réflexive par rapport à sa propre pratique et sa volonté d'inventer un autre langage architectural, tant dessiné qu'écrit. Pour Pascal Ozerman, la recherche passe d'abord par l'expérimentation et par la fabrication de prototypes en grandeur réelle qu'il mène principalement avec Claude Costi. Il adopte une démarche empirique et déductive et tire de ses réalisations des principes qu'il essaye de généraliser dans un second temps. Cette généralisation se fait soit dans la perspective d'une industrialisation de ses propositions, soit dans une démarche de médiation et d'aide à l'autoconstruction, notamment par une série de petits livrets, Construire, habiter et organiser, qui sont parus entre 1973 et 1975. Ainsi, si le travail de Michel Ragon sur l'architecture prospective nous permet de tisser des liens entre ces trois architectes, il est néanmoins important de les extraire rapidement du discours que le critique construit autour de leur démarche, qui reste, on le voit, extrêmement différente. Au fil des lectures et témoignages de ses anciens membres, le GIAP apparaît plus comme un groupement d'intérêts individuels pour exister dans le débat architectural très agité de l'époque, que comme un réel espace de collaboration entre ses membres. Finalement, la seule coopération notable issue de ce groupe sera celle de Chaméac et Ozerman, qui prendra en 71 la forme de l'association Habitat Évolutif, qui vise à réaliser alors le projet de centre-ville de Douvaine, en Haute-Savoie. Ces deux électrons libres ont en commun de ne jamais s'être installés à Paris et d'être restés dans le périmètre des Alpes du Nord, où se concentre la majeure partie de leur production bâtie. Paul-Jacques Griot s'est également confronté à ce territoire de montagne au début de sa carrière. Ce passage dans les Alpes n'est pas anodin pour nos trois architectes. L'intervention en site vierge, la confrontation à une architecture traditionnelle omniprésente et au programme du chalet, symbiose entre un équipement minimal et un environnement naturel rude, a nécessairement influencé leur imaginaire et leur pratique. Si le nom de Griot n'a pas marqué l'histoire de l'architecture locale, sa production alpine se limite finalement au projet de Méribel-les-Allées, dont il fut brièvement architecte en chef, Les traces du passage de Chaneac et Ouzerman sont plus nombreuses et sont désormais reconnues comme une part tout à fait marquante du patrimoine régional du XXe siècle. Comment aborder ce nouvel objet patrimonial et comment se prémunir de restaurations parfois malheureuses, comme celle de la salle polyvalente de Douvaine? Telles sont les questions qui ont poussé le CIE de Haute-Savoie à impulser ce travail de recherche. Au-delà de l'analyse de ces spécimens bâtis, la compréhension de cette architecture passe ainsi nécessairement par sa contextualisation. L'enjeu de la thèse se situe donc dans la manière de mettre en perspective trois trajectoires individuelles pour sortir d'une approche biographique et éclairer plutôt une période de la production architecturale. Depuis la fin des années 90, on assiste à un regain d'intérêt de la part des chercheurs pour ces années 60-70 qui deviennent un objet de recherche à part entière. Ce n'est probablement pas une coïncidence si les projets de cette époque sont redécouverts à l'orée du changement millénaire qui leur servait d'horizon. Sans prétendre en faire une liste exhaustive, on constate que de nombreux sont les travaux qui utilisent le terme « utopie » pour désigner cette production architecturale. Deux auteurs nous ont permis de préciser notre entendement de ce terme et de rentrer dans ce travail de recherche. Tout d'abord, Jean-Louis Violot, avec son travail sur les années 68. Dans son ouvrage « Mai 68 et la fonction utopique », il affirme « L'architecture est catégoriquement réaliste en ce qu'elle n'a jamais que le réel pour objet de désir. Mais elle est tout aussi obstinément irréaliste, animée qu'elle est par le désir de l'impossible. Fonction peut-être perverse, donc, peut-être heureuse, qui a un nom, la fonction utopique. » Ensuite, pour Dominique Rouillard, au tournant des années 60, l'utopie architecturale est devenue active, car au lieu de transcender la réalité, elle s'en accommode, la commente, fait de l'arrangement avec le réel son principe d'existence. Pour l'historienne, la fonction utopique permet aux architectes d'établir trois relations de l'architecture au monde, l'adéquation, l'invention, une dernière fois, et son commentaire critique comme projet. Ainsi, à la charnière du XXe siècle, l'architecture active sa fonction utopique et s'envisage donc à la fois comme un domaine de connaissance du réel, d'invention du réel et de critique du réel. Partant de ces lectures socles, notre travail interroge les trajectoires de Paul Jaglillot, Jean-Louis Chaneac et Pascal Ouzerman, en examinant en quoi la fonction utopique portée par le projet leur a-t-elle permis de construire un autre rapport au réel, et comment la fonction utopique est-elle opératoire dans leur démarche. Nous supposons d'abord que la fonction utopique de l'architecture se transforme dans les années 60, au passé d'une fonction de recherche de l'universel, qui était propre à l'avant-garde moderne, à une fonction d'interrogation et de réappropriation du réel. Joseph Abraham propose de considérer à ce moment-là l'utopie comme un puissant moyen d'explorer le réel, à travers le matériau concret offert à l'intelligence par les œuvres. Pour Hannah Arendt, toujours, la pensée rationaliste moderne a appauvri la relation de l'être humain au monde en détruisant la confiance qu'il plaçait en ses sens pour appréhender son univers. La nouvelle fonction utopique permet de penser en dehors des schémas rationnels qui ont séquencé la conception du monde des architectes de la modernité et de renouer avec une vision globale et systémique. Elle participe ainsi de la transgression de la modernité architecturale. Comment est-elle opératoire? Nous formulons l'hypothèse que cette nouvelle fonction utopique est rendue opérante par un changement de statut du projet. Celui-ci construit l'espace fictionnel qui permet d'établir une distance vis-à-vis du réel, qui est nécessaire à l'équilibre entre invention et préfiguration qui caractérise la fonction utopique. Nous supposons donc que les nouveaux outils mobilisés par l'architecte pour projeter, comme le scénario par exemple, permettent d'atteindre un nouvel équilibre, le moment critique. Partant de ces hypothèses, on propose une première tentative de schématisation qui a l'avantage de poser assez simplement les idées et les défauts de les présenter de façon assez figée, dans laquelle on distingue donc trois statuts du projet d'architecture. Tout d'abord un projet réalisateur, dont le but est de construire. Le projet repose alors sur une composition architecturale. Ensuite un projet énonciateur, qui permet de théoriser ou d'énoncer des principes pour construire. Le projet est alors un démonstrateur. Et enfin, le projet critique, qui permet de se distancier du réel grâce à sa projection dans le temps et de formuler une vision critique de l'avenir. Donc c'est ce dernier statut du projet qu'on questionne dans ce travail. Ce travail de schématisation a fait rapidement apparaître une autre dimension de la recherche, celle de la médiatisation du projet d'architecture. En effet, le recours à de nouvelles formes de représentation, comme les photomontages, les collages, les encrans à la bande dessinée, les allusions aux fanzines, permet de mettre le contenu critique du projet à disposition de tous grâce à une fusion habile de la culture savante et de la culture populaire. Cette médiation passe par la mise en scène et la mise en récit de ces images puissantes produites dans l'espace fictionnel du projet. Dans certains cas, il semble qu'elle ait pu conduire à une forme d'autonomisation de la fiction. Ceci pour expliquer notamment pourquoi nombre de ces projets prospectifs ont été d'abord réappropriés par l'art contemporain avant de faire l'objet d'une redécouverte par l'architecture. Dans la suite de ce travail, nous souhaitons engager l'exploration de cette notion de fiction. En mathématiques et en droit, une fiction est une hypothèse dont on sait par avance si elle est juste ou fausse et aide à élaborer un raisonnement. Cette acception n'est pas sans rappeler ce que propose aujourd'hui le design fiction, une démonstration qui s'appuie sur un objet prototype et un storyboard réaliste pour expliquer un changement sociétal à venir. Peut-être que la notion d'architecture fiction, qui nous permet de contourner les termes de prospective, trop symptomatique d'une époque, et d'utopie, qui est typique de la recherche contemporaine, pourrait nous redonner des outils pour expliquer ces pratiques parallèles de l'architecture et établir une grille de lecture commune entre ces œuvres foisonnantes pour entrer réellement dans les projets. Merci. Je vous laisse la parole comme lors des dernières présentations et ensuite libre à la salle d'intervenir à son tour. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Elle est très bien articulée. Moi, je trouve que c'est bravo parce que là franchement, la démarche, moi, je comprends tout à fait ce que vous voulez faire. Elle est claire, elle est structurée, elle est bien documentée. Le corpus, il est bien. Il a l'air d'être bien maîtrisé, en tout cas. Donc c'est vrai que c'est une démarche en histoire de l'architecture, en histoire avec Turing, plutôt Turing d'architecture, qui est assez intéressante. J'aurais des petites questions, mais c'est peut-être parce que c'est toujours difficile d'évaluer quelque chose quand on... d'évaluer, de commenter quelque chose quand on n'a pas eu l'écrit ou... Parce que là, je crois que vous êtes, c'est quoi, c'est votre deuxième année ? Mm-hmm. Deuxième année. Donc, vous avez déjà produit pas mal d'écrits. J'ai mis un certain temps à explorer les fonds qui sont assez... D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré, en fait, vous témoignez un peu de toute cette démarche, c'est-à-dire de la manière dont vous avez rencontré peut-être des problèmes pour explorer ces fonds ? Est-ce que... J'en ai rencontré. D'accord. Après, c'est plus le blocage de certaines institutions. Mais, D'accord. Parce que ça serait intéressant aussi de voir comment cette exploration a eu lieu. Moi aussi, je voudrais savoir si vous avez peut-être abordé au niveau plutôt, si vous avez mis en perspective cette démarche qui semble très, elle est française, mais avec une dimension peut-être universelle ou peut-être au niveau mondial, parce que c'était un moment d'ouverture énorme et très très grand, donc je crois que ça pourrait être intéressant aussi de voir, par exemple, quand on parle de cette fameuse post-modernité ou tous ces mouvements artistiques qui ont peut-être commencé à... tous ces effervescences qui étaient là à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, peut-être que ça pourrait vous donner des pistes aussi pour comprendre de quelle manière appliquer cette notion de fiction. Et est-ce qu'elle a été appliquée par exemple ailleurs ? Est-ce qu'elle fait partie d'une démarche historique dans d'autres pays, aux États-Unis ? Voilà. Alors, ces distinctions, moi je voudrais revenir deux secondes sur la question du projet réalisateur, projet initiateur et projet critique. Donc vous dites que vous allez travailler donc sur le troisième, oui. C'est ça ? Et pourquoi ? Alors en fait, je suis en train de construire les choses, donc il y a encore un peu des flottements, mais ce dont j'ai l'impression en me confrontant à ce corpus-là, c'est que le fait de se projeter dans une dimension, dans un horizon qui est l'an 2000 souvent, permet aux architectes de prendre du recul par rapport à une pratique et de sortir d'un projet qui serait forcément orienté vers la construction et qui produisent parfois des projets qui n'ont pas ce statut, qui n'ont pas forcément vocation à être réalisés, mais qui ont un statut plutôt d'une démarche de questionnement, en fait une démarche de recherche. c'est dans ce sens-là que je veux. Donc c'est pour exprimer un peu le changement de statut du projet. Voilà. D'accord. Et ce changement de statut, à votre avis, il est dû à quoi? Je ne sais pas ce qu'il provoque, mais je pense qu'il est permis par le fait que les architectes aillent chercher des outils ailleurs. C'est ce que j'essaie. Parce qu'ils avaient le temps pour les chercher. Peut-être aussi. Parce que peut-être que la commande, en fait, il y avait tout un contexte peut-être socio-économique qui permettait ou qui obligeait quelque part aux architectes. Oui, puis il y a un contexte aussi politique. Enfin, contexte politique. Bon, là, je crois que ça pourrait être un point intéressant. Et quand vous dites, donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a peut-être une petite contradiction quand vous dites, ok, je vais essayer de comprendre cette compréhension à travers une contextualisation. Donc si ce n'est pas socio-économique, politique, c'est une contextualisation exclusivement dans la théorie de l'architecture ou... Après, j'aimerais arriver à prendre en compte l'ensemble du contexte, mais enfin, je reste architecte, donc oui. Pas forcément pour faire une monographie de cette époque qui soit très exhaustive. Mais non, l'idée c'est quand même d'avoir. Enfin, parce que je pense que le contexte, on ne peut pas dissocier ces projets-là d'un contexte. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas les comprendre. La compréhension de l'objet architectural commence peut-être ailleurs. Voilà, moi je trouve que. Je sais pas. Je trouve que c'est les trouvailles du diable de toutes ces histoires-là. Je trouve que c'est une contribution qui pourrait être très intéressante dans la démarche de thèse. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions et remarques? Oui, moi j'avais peut-être une question pour toi, Mélina. À un moment, je ne sais pas de quel architecte tu parles en disant que les chiffres ou l'industrialisation ou une auto-construction de l'architecture. Et ce que je me demande, c'est finalement l'industrialisation, on peut l'entendre un petit peu comme un moment où il y a un pouvoir décisionnel important, au politique, de mettre en place des normalisations, etc. Alors que l'auto-construction est plutôt générale de l'architecture sur catalogue, mais qui se développe un peu en parallèle. C'est des phénomènes concomitants. Comment se positionne l'architecte dont tu parles vis-à-vis du poids politique ou en même temps par rapport à la participation habitante? Est-ce qu'il y a plutôt un penchant pour l'un pour l'autre ou est-ce que c'est pas abordé? Alors en fait, c'est vrai que ça peut paraître tout à fait contradictoire qu'ils défendent, donc c'est Pascal Ozerman qui défendent à la fois l'idée de l'industrialisation et puis l'idée de l'autoconstruction. Mais en fait, ça l'est. Enfin, c'est parce que le personnage est assez contradictoire. Pour un peu le situer, Julien Donada, qui est donc un réalisateur de films, qui a fait un documentaire sur lui, le qualifie d'anarchiste de droite. Et c'est assez juste dans le sens où c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a revendiqué son autonomie, enfin son comment dire, son attachement à l'individu plutôt qu'à la collectivité, etc. Et donc, lui, il essaye d'avoir une pensée un peu, je sais pas si c'est de la subversion, mais par rapport à l'industrialisation, il imagine qu'au lieu de produire la même chose pour tout le monde en grande quantité, on va arriver à avoir des objets personnalisés, industrialisés, personnalisés, un peu dans la mouvance de ce que pouvait défendre Jean Baudrillard avec le groupe Utopie, etc. Et il pense que l'industrialisation, au contraire, va permettre en fait, d'atteindre le même but que l'autoconstruction, c'est-à-dire d'avoir une habitation qui correspond en tout point aux besoins de l'habitant. Donc finalement, on poursuit les mêmes objectifs avec des moyens différents. Donc il est dans son architecture. Voilà. Particulièrement intéressée à toute la production graphique qui est magnifique, qui est Marianne Chaniac, alors que les autres utopistes, entre guillemets, des années 70 n'ont pas construit, en tout cas pas les Européens, que ce soit Super Studio, Archigrave, enfin voilà. Après, les Américains, je pense, eux, étaient effectivement beaucoup dans la construction. Mais ce qui est intéressant chez Ozorman et Chaniac, c'est qu'ils ont à la fois la dimension très très dessinée qu'ont les autres radicaux européens, mais aussi ils passent à la construction comme les Américains. Et je pense que ce sera intéressant si tu y arrives, parce que je ne sais pas de quelle manière, mais de pouvoir parler aussi de cette réalisation qui a été faite vraiment pour vos enfin oui, qui pouvait être faite de briques et de bois. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Félicitations. Merci. Oui. Romain, déjà. Oui, alors, comme les exposés sont excellents, en fait, on demande à revoir les diapositives. C'est une démarche d'un bon exposé. Effectivement, merci beaucoup, c'est très clair. Je ne sais pas si on ne se sent pas du travail. Évidemment, la lecture du texte à l'oral rend difficile de se saisir quand on est loin. Est-ce que je pourrais revoir le schéma avec, je ne sais pas comment il s'appelle, discipline, c'était à propos des disciplines, pour savoir comment c'est le début, évidemment. Là, c'était celui-là. Ce que je trouve extrêmement intéressant, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment il a été fabriqué. Et puis, comme tu produis une recherche sur la naissance d'une pensée, sur ce que doit être la discipline architecturale, j'ai envie de te poser une question toute simple, parce qu'en France, je suis animé par l'idée d'être avec PCA, cette question-là va se poser à nous tous, d'un seul coup, d'une seule fois, d'une manière vraiment radicale, peut-être même pacifiée, mais pas sûre. Qu'est-ce que c'est une discipline? Pourquoi? C'est ma question d'être, c'est une question. Alors, je vais répondre à la question la plus simple, qui est comment j'ai construit ce schéma. Encore que, il y a eu plusieurs étapes, en fait c'était de façon assez empirique, où j'avais envie d'avoir un tableau un petit peu de cette époque qui me permette de transmettre cette idée que les architectes se nourrissaient d'autres disciplines. Pour interroger, que c'était dans le croisement qu'ils allaient construire d'autres démarches et puis voilà, explorer d'autres manières de faire. Donc après, ça reste quelque chose qui est, un moment, un instant T, j'avais besoin de poser les choses comme ça. Il y a sûrement mille manières de le représenter différemment et puis et de le préciser. Après, pour la question de la discipline, en fait, peut-être que là aussi j'ai une représentation erronée, mais j'ai l'impression que dans les années, au début du siècle, on avait, bien délimité des champs, des compétences, qui étaient ceux de discipline, enfin qu'on avait décomposé les choses pour comprendre la réalité du monde qui nous entourait de façon très et que donc il y avait des écoles de pensée qui s'étaient mises en place, enfin, des disciplines qui se revendiquaient, qui se construisaient, et j'ai l'impression que peut-être ce qui pourrait être une caractéristique de cette espèce de postmodernité, c'est que justement, on remet complètement en question ces frontières qu'on a édifiées à un moment pour nous aider à penser, et qu'on essaye de retrouver une pensée globale. C'est aussi le moment où on se pose des questions de l'écologie. Enfin, je pense que... C'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot discipline, mais c'est pour dire qu'on essaye de dépasser ça justement dans ce moment-là des années 70. Enfin, c'est ce que je ressens. Et pourtant, tes utopistes ne la dépassent pas, ce concept est important pour eux. Ça participe de leur projet d'élaboration intellectuelle d'une posture. Eh bien, pas vraiment, parce qu'ils vont... Enfin, je ne sais pas comment j'ai... Peut-être ce qui vous a laissé penser que je disais ça. J'ai plutôt l'impression qu'ils vont essayer de se situer dans les marges, en fait. Qu'ils vont aller chercher déjà du côté des statistiques, des données prévisionnelles, de la prospective. les outils du scénario, etc. Et puis qui vont aussi se nourrir beaucoup de l'art aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont chercher des choses partout, qui ne sont pas du tout dans en train de revendiquer une discipline autonome. Au contraire. Mais alors c'est peut-être... Moi, ce que j'essaye de... Non, je pense pas. Je pense pas qu'on peut la penser de façon autonome, mais c'est pas la question. Mais en fait... non, mais je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est qu'on est en train de citer des listes, donc les CA, on fait ces listes. D'accord. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Je pense que c'est ce que j'essaye de dire à la fin. Quand je parle de l'autonomisation de la fiction, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que ces architectures-là, elles étaient complètement déconnectées, finalement. Enfin, quand on les regarde aujourd'hui, premier coup d'œil qu'on jette dessus, on peut se dire, mais c'est complètement hors sol, c'est vraiment l'art pour l'art, ça n'a pas de prise sur le réel à l'époque. Et en fait, je pense que c'est faux. Enfin, c'est ce que j'essaye de... c'est ce que je pressens, c'est ce que j'essaye de construire. Je pense qu'il faut faire très attention au projet des périodes de barbe. Oui. Au début du siècle, il y avait à la fois des mouvements de spécialisation de la discipline architecturale et des mouvements qui ont l'interdisciplinarité, les modèles par rapport à l'art, l'ingénierie. Donc il faut être très prudent, il faut plutôt voir comment ces deux mouvements, le mouvement qui consiste à spécialiser une discipline et une métier, et puis le mouvement d'ouverture, ils sont mis de manière différente, mais on veut toujours avancer, c'est comme ça, là c'est comme ça, c'est comme souvent la caricature. Je pense que c'est... Ces trois personnages étaient inscrits à l'ordre des architectes, mais ils se réclamaient comme des architectes. Oui. Ils n'ont jamais pu sortir dans le métier de chien. Ils n'ont jamais cherché à avoir une autre existence professionnelle que l'architecte classique, et ce n'est pas un reproche qu'on avait. Ils étaient aussi vraiment là. La question, de toute façon, de Romain, elle était pervers, parce que c'est... De toute façon, c'était bien. Bon, bah, chaque année, toutes les questions sont nécessairement pervers. On s'est parfaitement compris, le représentant du monde de l'architecture dans le Knesset-Rac, que c'est déjà parfaitement suffisant. Non, Knesset-Rac, c'est une chose, mais Knesset-Rac, c'est une chose. Donc, oui, mais là, tu parles du projet, c'est pas la même chose. Tu parles des représentations du monde du projet architectural, ce qui n'est pas l'architecture. Donc il faut faire attention aussi à... Oui, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que dès qu'on commence à poser la question à des gens qui posent, qui s'intéressent à définir l'architecture comme une discipline, tout de suite on tombe sur des schémas comme ça, enfin, j'aurais tendance à dire, pas aussi interrogeant que celui-ci, il faudrait du coup de travailler à une discipline, qui tout de suite, avant de commencer à définir les positions d'une discipline par rapport à d'autres, c'est tout de suite sa fragmentation interne. En trucs qui ne sont pas encore considérés comme des sous-disciplines. C'est des variations de la discipline. Pour moi, ça, c'est une vraie discussion que j'ai l'impression, sans connaître les trois auteurs, que cette période-là, en tout cas, interroge. Je ne crois pas que ce soit une fragmentation. Je crois que c'est la question qui est soulevée là. Peut-être, justement, en ce schéma, on en est à quoi ? À la quatrième version, je ne sais plus. On est passé, je pense, par déjà un certain nombre. La question, c'est de quoi l'architecture se nourrit, en fait, pour être pensée, et la grande question, elle est là. Et en effet, le monde de l'architecture s'est toujours nourri du monde des sciences, du monde des arts, du monde de la culture. C'est ce qui forge la culture architecturale. Et c'est pour ça que Mélina, peut-être un peu maladroitement, a dit qu'elle n'est pas autonome, c'est pas la question. Enfin, c'est pas la question, ça c'était un peu maladroit comme réponse, mais c'est l'idée de dire que l'architecture ne cesse de se nourrir à la fois du monde scientifique, du monde on l'a vu tout à l'heure, de la philosophie, de la façon dont on conçoit le monde. Et c'est vrai qu'on a des périodes où l'architecture, on va dire, va chercher d'autant plus ailleurs. C'est-à-dire que dans les moments de crise, qui peuvent être des crises sociétales, qui peuvent être des crises effectivement de la discipline, c'est-à-dire où la profession est en crise, pour différentes raisons, c'est là aussi où elle va chercher ailleurs pour se renouveler, se nourrir ou se positionner. Et on a des époques, en effet, où selon, donc, on va comme ça, je ne sais pas, et là c'est une époque aussi, c'est ce qu'on voit avec une autre thèse qui peut-être. elle commencera, où la linguistique est fondamentale, c'est-à-dire, donc... Est-ce que le débat est encore alimenté par d'autres remarques? Peut-être juste une question, je suis pas sûr d'avoir compris exactement la place de la fiction en fait dans ce questionnement, parce que je trouve que c'est un truc très intéressant. Comment ça s'applique en fait? Alors en fait c'est un peu le cœur du problème. En fait je suis pas entrée dans le sujet par la fiction, mais j'y viens parce que je pense que c'est une bonne manière d'interroger leur production. Et le fait d'utiliser le terme de fiction, ça me permet, c'est ce que je disais, à la fois de pas tomber dans l'impasse d'utiliser le terme d'utopie qui est employé pour dire beaucoup de choses, et finalement, et puis pas non plus réemployer le terme de prospective sans le remettre en question. Et puis la fiction, en fait, elle me permet aussi de me détacher de l'architecture comme forcément dirigée vers de la construction. Enfin, c'est l'architecture, ça peut aussi être un projet théorique, ça peut aussi être... Donc c'est dans ce sens-là que j'y viens petit à petit, mais c'est pas encore très construit dans ma tête. Voilà. Je ne pensais pas développer la chose, on en parlait avec Catherine, on en parlait. Mais effectivement, je rebondis sur une remarque de tout à l'heure sur le fait que Assange et ses architectes n'ont pas vraiment construit, en fait, ont projeté des choses. Et j'en arrive, moi je suis assez amateur de BD, à me demander si finalement il n'en a plus nourri la fiction que la construction, quelquefois. Parce qu'en revanche, ce type de dessin, ce type de pensée, on les retrouve en particulier chez les dessinateurs liés à la science-fiction. Je ne pense pas que Mézières soit le plus. Enfin, dont on parle beaucoup maintenant à propos de films, mais soit le plus significatif, mais je pense à quelqu'un comme Franquin, auquel on ne penserait pas forcément, mais qui effectivement, dans la fin des années 60, début 70, quand il fait encore la série de Spirou, case chaque fois qu'il le peut des villes un peu futuristes, et s'inspirant probablement de ce genre de choses. Mais bon, là il y a un sujet à part, hein, ça va loin, mais je pense qu'il y a à creuser effectivement le lien entre les auteurs de fiction, auteurs de romans science-fiction aussi, tout simplement, et ce type de travail. Mais il y a carrément une BD dont le nom m'échappe là, mais où le dessinateur s'est permis de reprendre complètement, mais alors vraiment le dessin est le même, le projet de Chaniac pour le Frac Centre. Pour le Frac Centre. Ça me hante cette question. pour le Centre Pompidou. Je ne sais plus, je peux le retrouver, mais vraiment l'image est la même. Et puis il reprend aussi son idée de ville cratère. Et en fait, donc, il installe sa fiction dans la ville cratère à 23h. Enfin, je ne sais plus quelle est la première bulle de sa BD, mais c'est vraiment les images de Chaniac. De tête, je ne vois pas. Mais il faut que je la retrouve. À ce moment-là, pour répondre un peu, ça serait plus le statut de l'architecture, c'est véritablement le statut du projet. Oui. Donc, ce qui est important. C'est pour ça que la question de la discipline, elle est peut-être liée à ça. Statut du projet d'architecture et pas de l'architecture en tant que tel.